11-21. Activation orale et écrite. Exclamation. Quelle? Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Que sa jupe est ravissante. Et vous dites. Quelle jupe ravissante. Et vous écrivez. Quelle au féminin. Allons-y. 2. Que le ciel est bleu. Trois. Qu'il fait froid. Quatre. Qu'il fait mauvais. Cinq. Que son sourire est beau. Que ses yeux sont beaux. 7. Que ses mains sont belles. 8. Que ce garçon est bavard. 9. Qu'il a l'air bête. 10. Que cette rencontre est intéressante. 11. Que cette histoire est fascinante.